Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Jean-Yves Buron. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. On est à Liège, on est en Belgique, je suis hyper content d'être avec toi. On va expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi il y a des chants d'oiseaux. Mais ça va venir, je vais quand même faire mon intro classique qui est pour remercier la NEF. La NEF c'est le partenaire du podcast, la NEF c'est une banque éthique que tu ne connais peut-être pas, la banque éthique coopérative de la NEF, qui est la seule banque en France à porter et à déployer les 2030 Glorieuses. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et c'est pour ça que moi, j'appelle les gens à dire, mais en fait, les 2030 Glorieuses, ça passe aussi par reprendre le pouvoir de son argent. On pourrait en parler avec toi, justement, Jean-Yves, et dire, en fait, on ouvre un livret à la NEF, on participe à déployer ces 2030 Glorieuses. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Aujourd'hui, moi, je suis heureux de te donner la parole, Jean-Yves. On va parler de la ceinture alimentaire, qui est une des fiertés de Liège. C'est pour ça que moi, je connais la ville depuis de nombreuses années maintenant. Tu es historien de formation, tu es auteur de Le monde est moche, la vie est belle. Donc, on a plein de choses à se dire. Je sens que l'interview va partir dans tous les sens. Je suis en train de regarder mon téléphone pour pas oublier les premières choses que je voulais dire sur toi, mais je trouve ça très désagréable de te parler alors que je suis en train de lire mon téléphone. Donc, je vais pas tarder à le poser et les gens qui nous écoutent s'en foutent complètement, j'en suis sûr. Mais je voulais quand même dire que voilà, toi maintenant, tu es impliqué dans plein de projets. On pourrait parler de monnaie locale complémentaire, on pourrait parler de plein de choses, mais avec toi, j'ai vraiment envie que tu gardes sur ta tête ta ceinture, ta casquette de la ceinture alimentaire dont tu es salarié à temps partiel. On va parler d'engagement citoyen, on va parler d'autonomie alimentaire et de pourquoi la vie est belle. Mais la première question que je te pose, c'est la question que je pose à tous mes invités. Tu es dans un événement, tu rencontres un inconnu, tu dois te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds à cette question, toi, maintenant? Dans la vie, j'ai la chance d'expérimenter plein d'alternatives et de projets avec les gens pour qu'on vive dans un monde qui prenne soin de la planète, des animaux, de la santé humaine. Et on le fait en s'amusant et en prenant du plaisir et en cultivant notre joie. Ouais. Les 2030 Glorieuses, c'est quelque chose de très français, parce que la référence, elle est aux 30 Glorieuses. Je ne sais pas si en Belgique, c'est si connu, les 30 Glorieuses. J'ai l'impression qu'on a quand même, nous, ce besoin de se redire, comme mes grands-parents se le disaient, tiens, je me réveille demain. Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir de génial qui va m'arriver dans ma vie? Nous, en France en particulier, on est le peuple de pessimistes par excellence. On a perdu ce goût de l'avenir. Et donc, on a besoin, parce qu'on est une espèce fabulatrice, de se dire que demain ira mieux pour le faire advenir dans le présent. Toi, tu es très concentré sur l'action du quotidien. Et à la fois, je le disais, tu es auteur. Et dans le titre de ton livre, il y a quand même cette notion que demain ira mieux, que le monde est beau, j'ai l'impression. Et que du coup, cette idée de 2030 glorieuse, elle te parle, non? Oui, oui, elle me parle. Mais déjà, on est à Liège. Alors, à Liège comme ailleurs, il y a les crises, il y a les problèmes. Bon, ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'à Liège, on se dit, ça va aller. De toute façon, ça va aller. Et toi, tu te réveilles le matin et tu te dis, ça va aller? Non, je me dis, il faut que ça aille. L'idée, c'est de ne pas s'apitoyer, de ne pas non plus être focus sur ce qui ne va pas. On sait que le monde est moche, mais non seulement la vie est belle, et le monde pourrait être plus beau si on veut. Ça aussi, c'est une ambiance un peu liégeoise. Le liégeois, il vit de manière un peu légère, comme ça, il est convivial, il profite du moment présent. Et en fait, c'est l'idée que le monde, il sera beau, mais la vie est déjà belle maintenant, et c'est aujourd'hui, en cultivant l'enthousiasme, en cultivant le plaisir d'être ensemble, en cultivant la culture de l'innovation, mais surtout de l'expérimentation, sans avoir peur de connaître l'échec, de se planter. On se plante, mais on apprend en se plantant. Et de toute façon, on plante. Hein. C'est comme ce que ça qu'on fait de l'agriculture. C'est en se plantant qu'on devient jardinier. Ouais. Voilà, c'est ça. Eh bien, en fait, il y a cette énergie positive. Moi, sous mon CV, il y avait souvent cette phrase, j'ai gardé pendant des années, c'est pessimiste de raison, optimiste dans l'action, un peu du Gramsci, quoi. Et donc, c'est ça, c'est oui, on le sait que le monde est moche, et il faut, on peut pas faire l'impasse du constat. S'il y a des gens qui vivent dans le déni ou dans leur bulle, ça ne va pas. Mais on ne peut pas juste rester là. Aujourd'hui, quand on va dans les écoles, on voit les jeunes, les ados et les jeunes adultes, waouh, c'est la déprime, ça pue la défaite, et ça va pas. Je veux dire, si on n'y croit pas, il se passe rien. Et donc, en fait, il n'y a rien qui nous empêche d'y croire, en fait. Il n'y a rien. Évidemment, ceux qui dominent l'économie et peut-être la politique et qui n'ont pas intérêt que les choses changent, ils vont faire en sorte qu'on croit que ce n'est pas possible de changer les choses. Mais en fait, c'est tout à fait possible. Et c'est déjà en cours. Et c'est en cours. Tous les jours, il y a des choses qui se passent, qui sont merveilleuses et qui montrent que d'autres façons de vivre et de faire sont possibles. Et c'est justement le postulat des 2030 Glorieuses de dire qu'en fait, il faut qu'on arrête d'être simplement dans la réponse, mais qu'on rende obsolète ce monde d'hier qui s'accroche et qui est malheureusement encore aujourd'hui trop souvent notre monde du présent, en racontant à quel point il se trompe ce monde en disant que les écolos comme nous, ça y est, je te mets dans notre catégorie, ils sont pas sympas, ils sont toujours chiants, toujours râleurs, ils empêchent la joie, le bonheur, les feux d'artifice et le Tour de France. Non, on est pour plein de choses et on est pour le bonheur parce que comme tu le dis dans ton livre, la vie elle est belle et donc j'essaye de montrer à quel point c'est pas nous les décroissants, c'est le monde actuel qui est décroissant et que c'est important de le dire. Toi tu t'attaques à quelle décroissance du monde actuel avec notamment ton travail avec cette casquette de la ceinture alimentaire? Oui, donc d'abord moi personnellement je suis rentré dans la transition agricole, alimentaire et environnementale via les luttes pour la justice sociale et l'exclusion. Contre l'exclusion et pour la justice sociale. Et ça, c'est super important. C'est après que je me suis rendu compte que c'est un même système qui détruit l'environnement et les gens. À la ceinture alimentaire, en fait, le constat, c'était il faut absolument opérer une transition vers un système alimentaire durable. Ça, c'était en 2013, avec un mouvement citoyen, un forum fondateur qui a rassemblé 500 personnes ici à Liège. Et on s'est dit, il faut transformer le système agricole et alimentaire pour produire une alimentation de manière à ce qu'on prenne soin de la planète, de la Terre, qu'on prenne soin des gens et qu'on prenne soin des animaux et de la vie, d'accord ? Et on peut le faire en relocalisant notre économie, en créant de l'emploi. Ça, c'était aussi un grand objectif. C'est-à-dire, en 2050, la moitié de l'alimentation mangée et consommée à Liège sera produite en région liégeoise et elle nourrira l'économie locale, les circuits courts, le petit entrepreneuriat. Ça, c'était l'utopie. On a fondé la ceinture alimentaire là-dessus en 2013. Et aujourd'hui, évidemment, une de nos grandes préoccupations est de faire le lien entre transition écologique et justice sociale. Parce que là, je nous regarde, on est deux mecs, deux blancs, qui ont un emploi, qui n'ont sans doute pas à se tracasser de leur faim de mois, mais on ne peut pas penser la transition écologique sans se faire violence et essayer de voir dans quelle souffrance vivent les gens qui ont trop peu. Si on ne le fait pas ça, on peut mettre tous les plus beaux projets en route, ils peuvent même fonctionner, on passe à côté de la cible. Et donc, les liens entre transition écologique et justice sociale sont fondamentaux. Et d'ailleurs, il y a une belle idée qui nous vient de France, dont on s'est emparé avec la ceinture liégeoise et à laquelle on travaille beaucoup pour le moment, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, lancée par les ingénieurs sans frontières français. Et aujourd'hui, ça nous occupe, aujourd'hui, c'est parfait, on entend les... C'est le palais, hein. C'est ça qui est devenu le palais de justice qui est en train de sonner, le palais liégeois. C'est magnifique, j'espère que vous l'entendez dans la conversation qu'on est en train d'avoir. Vas-y, continue, je t'en prie. Et donc, on arrive et on dit, nous, on a envie de lutter pour cette sécurité sociale et l'alimentation parce que c'est un projet qui, structurellement, systémiquement, relie la reconfiguration de la transition de l'agriculture et de l'alimentation et la lutte contre la précarité alimentaire. D'office, c'est même pas des liens artificiels. On n'a pas à choisir entre le côté social ou le côté vert. C'est lié. Et en plus de ça, C'est un projet qui nous permet de repartir à l'offensive en tant que mouvement social et que société civile. Ça veut dire que jusqu'à présent, on se contente d'essayer de limiter le détricotage des acquis et du progrès accumulés au XXe siècle, notamment en termes de solidarité, et qu'on dit « nous non, ça ne nous suffit pas d'essayer de défendre la sécurité sociale et l'alimentation ». Nous, notre objectif, notre horizon, c'est de créer un 8e pilier de la sécurité sociale belge avec l'instauration de la sécurité sociale de l'alimentation. Et l'autre jour, il y a quelqu'un dans un groupe qui disait oui, et l'objectif, c'est aussi que la sécurité sociale de l'alimentation devienne le premier pilier de la future sécurité sociale européenne. Hein, et on sait qu'il y a de l'argent aujourd'hui. C'est pas ça le problème. C'est juste du courage politique qu'il nous faut. Et c'est juste aussi s'intéresser plus à ce que les gens vivent autour de nous, parce qu'il faut décloisonner les bulles. Et d'ailleurs, avec les nouvelles technologies, les écrans, les réseaux, c'est pas facile parce que chacun vit dans sa bulle. Mais donc, la transition, c'est ça aussi, c'est se mettre en lien, faire réseau. Et la ceinture alimentaire liégeoise, eh bien, c'est une grosse partie de son boulot, c'est de mettre les gens ensemble, de mettre en lien les consommateurs, les producteurs, même les grandes surfaces, aller chercher les communautés, les assos précarisées, mettre tout ce monde-là ensemble. Et par exemple, aujourd'hui, eh bien, on est en plein festival Nourrir Liège. C'est pendant 10 jours, on fait ça. C'est dans ce cadre que vous m'invitez. C'est pour ça que je suis très heureux de te donner la parole. Et tout à l'heure, tu vois, j'étais dans le train, je venais de Bruxelles et je me posais la question, mais comment il va me répondre, Jean-Yves, à cette question de à quelle décroissance vous vous attaquez avec la ceinture alimentaire ? Parce que tu aurais pu me répondre, la déconnexion le fermier, l'endroit d'où vient la nourriture avec l'assiette, ou la déconnexion avec le goût, la déconnexion avec la temporalité, avec la saison, ce genre de choses. Mais je pense qu'en fait, c'est une déconnexion plus profonde, c'est une déconnexion avec le vivant et avec toute la chaîne de valeur qui est produite par ces gens qui sont essentiels et qui pourtant arrivent difficilement à vivre, ceux qui et celles d'ailleurs qui vivent juste à côté de chez nous, qui travaillent la terre et qui font qu'on ait une alimentation de goût, de saison à côté de chez nous. Et là, toi, tu parles de déconnexion, de silos, de couloirs. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on doit travailler justement, s'attaquer, j'allais même dire, à cette déconnexion qui nous fait nous rendre compte, ignorer même à quel point ce qu'on a dans notre assiette, ça devrait venir de chez nous, ça devrait être simple, ça devrait être sans énormément d'étapes, mais aujourd'hui tout s'est complexifié et qu'on n'arrive même plus à reconnaître un champignon qui vient de Pologne ou d'un champignon qui vient de Belgique. Finalement, c'est cette déconnexion centrale à laquelle vous vous attaquez, ou tu dirais qu'il y a encore plus des raisons plus profondes, plus souterraines? Oui, c'est cette déconnexion-là. En fait, la déconnexion, c'est par rapport à une économie aussi qu'enrichit une minorité, une poignée d'actionnaires. Et comme tu le dis, pendant que les maraîchers qui travaillent avec cœur pour produire de l'alimentation biologique sont pauvres, en fait. Mais parce que aussi l'alimentation, c'est central. C'est la chose la plus importante qu'on fait dans la journée, c'est manger. Et c'est ceux qui la produisent qui sont le plus mal payés. C'est un paradoxe de fou, ça. Ouais. Et donc il faut arrêter. Ça c'est plus possible. On est auteurs tous les deux. On sait aussi à quel point nourrir les âmes, nourrir les esprits, c'est aussi très très mal payé en général. Hein. On le sait. Et tout simplement aussi parce qu'on vit dans une société matérialiste. Alors vous écrivez un bouquin, tout ce qui rapporte c'est le matériel, c'est le papier, c'est donc celui qui a produit le papier, c'est celui qui l'a imprimé, c'est celui qui le vend dans son magasin. Mais les gens l'achètent pas pour le papier, ils l'achètent pour ce qui est écrit dessus. Et c'est celui qui ou celle qui a écrit l'histoire, par exemple, ou le contenu, qui est le moins bien payé. Ça marche avec les fermiers, hein, parce que c'est celui qui transporte, c'est celui qui stocke, c'est celui qui transforme, qui est bien payé, mais finalement, le fermier, la fermière, c'est une part infime, en fait. Hein. C'est ça. Le producteur qui crée la vraie richesse, on va dire, celle qui nous fait vivre, eh bien, il compte pour rien dans cette économie-ci. Et tu dis qu'on est ici, là, donc sur les hauteurs de Liège, vous devriez être avec nous, c'est absolument magnifique. Merci de m'avoir emmené ici pour cette interview, Jean-Yves. Tu dis que vous travaillez à ça, on va en reparler avec la ceinture alimentaire. Moi, j'aimerais bien comprendre un peu, tu vois, les projets du quotidien, les fiertés aussi. Là, maintenant, ça fait plus de 10 ans que vous existez, il y en a des fiertés, j'aimerais que tu me les présentes. Mais il y a aussi un festival. Et donc, c'est pas simplement faire, c'est aussi raconter, c'est aussi l'importance de donner à voir, d'éduquer, j'allais dire aussi, que vous avez bien compris. Oui, alors on va dire s'éduquer ensemble, parce qu'alors on n'est pas là pour éduquer des gens, c'est grandir ensemble, apprendre ensemble, sinon on est dans une posture de supériorité, oui. Et donc c'est très chouette parce que nous on fait ça avec un budget rikiki, vraiment, c'est des clopinettes, et on fait ça avec environ 80 partenaires. Il y a des écoles, des hautes écoles, il y a l'université, il y a des entreprises, il y a des ASBL de toutes sortes, hein, de lutte contre la pauvreté, des ASBL de sport, il y a les restaurants, il y a les commerces, il y a la ville de Liège, il y a des chercheurs. Sacré réseau. C'est génial. Et alors là, pendant 10 jours, c'est un foisonnement d'activités avec des dizaines de masterclass, avec des ateliers concrets pour cuisiner ensemble, avec des balades, avec des visites, avec des soirées de théâtre, des soirées grand débat, avec des projections, avec des fêtes. Il faut faire la fête avec des apéros. On commence avec un apéro, on termine avec boire Liège. On termine avec boire Liège. Parce que c'est important. Si, c'est Emma Goldman, je crois, qui disait, si on danse pas pendant votre révolution, alors c'est pas ma révolution. Ouais. Eh ben, nous, c'est pareil. Nous, on veut transformer la société, mais en s'amusant, en rigolant, en faisant la fête. Si c'est pas festif, ça sert à rien. Si le monde est austère, ça sert à rien. Le monde austère, c'est le monde des fachos et de l'extrême droite. Et ça ne nous intéresse pas. Et c'est ça, donc on fait la fête en faisant la transition agricole et alimentaire. Et ça va bien puisque l'alimentation, c'est le goût, c'est le synonyme même de la fête. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous les Belges. Nous, les Français, on est à la même école. Hein. Le plaisir passe par l'assiette, le plaisir passe par ces moments qu'on partage autour d'une bonne boisson et d'un bon repas. C'est pas un Lyonnais qui va dire le contraire. Non, c'est pas un Lyonnais qui va dire le contraire, effectivement. Raconte-moi maintenant ce que vous faites quand vous n'êtes pas occupé à faire la fête, à connecter, là tu me disais, à connecter tous ces gens, connecter ces gens au goût, aux saveurs, aux producteurs. À quoi ça ressemble les missions de la ceinture alimentaire dans le quotidien, dans la régularité ? Bien, alors on est une équipe avec plein de profils différents et par exemple il y a de l'animation territoriale, donc on reste pas dans les bureaux, on a dans l'équipe des maraîchers et des producteurs aussi qui vont à la rencontre des producteurs et qui vont faire vraiment une animation territoriale pour accompagner, pour conseiller, pour travailler avec les producteurs sur, et même les transformateurs sur différentes filières comme ça. Il y a aussi le projet de formation et d'accompagnement des professionnels en difficulté ou des professionnels qui voudraient se lancer, des nouveaux qui veulent se lancer. Et on s'intéresse aux filières. Donc ce qui est intéressant, c'est les projets où, par exemple, on va s'intéresser aux semences du cru, authentique, nutritive. Et puis, il y aura aussi la coopérative qui va faire de la farine. Et puis, le boulanger et les boulangeries qui vont travailler avec de la bonne farine pour faire du vrai, du bon pain qui nourrit les gens. Quoi. Pas qui remplit leur estomac, mais qui nourrit les gens. Voilà. Et alors, c'est surtout dans la production maraîchère et notamment les légumes hein, et les fruits qu'on est actif. Mais on a aussi évidemment tout le volet, on vient d'en parler, sensibilisation, éducation permanente. On a le volet capitalisation. Donc ce qui est important, c'est d'écrire sur ce qui se fait. Moi, je m'occupe plus particulièrement de ça. C'est-à-dire, il se passe plein de choses, il faut qu'on ça sache. Il y a un catalogue de lecture qui est incroyable sur votre site. Hein. Il y en a, ça commence à être pas mal. Et donc du coup, les gens ils disent « Ouais, il y a plein de choses, mais on n'en parle pas et on ne sait pas où trouver l'info. » Et donc le but, c'est vraiment de vulgariser et de rendre accessible à tout le monde avec des petits textes assez courts comme ça ou des études plus longues quelquefois mais qui restent accessibles pour pouvoir partager avec les gens ce qui se fait, pour pouvoir aussi peut-être partager avec des partenaires ou d'autres régions ce qui se fait et garder des traces. Ça, c'est super important. Et puis on gère un hub logistique qui s'appelle le pôle circuit court où il y a des coopératives qu'on a participer à créer, qui peuvent mutualiser alors l'espace de stockage, les chambres froides, certains aspects logistiques. On partage l'outil et on met les gens ensemble pour qu'ils travaillent ensemble. Donc ça, c'est important. On anime aussi le Conseil de politique alimentaire de Liège Métropole. Attends, tu vas en dire un mot, mais j'aimerais rester sur cette notion de circuit court. On parle beaucoup de circuit court en opposition du coup au circuit long. Pourquoi le circuit court, il est nécessaire et pourquoi il est trop long d'habitude dans le système alimentaire classique? Est-ce que tu peux nous expliquer ça et comment concrètement vous faites pour le rendre le plus court possible entre le champ et l'assiette, ce circuit? manger. Oui. Alors, d'abord, ce qui est intéressant souvent, c'est les gens, ils confondent alimentation locale et circuit court. Et vous pouvez avoir, par exemple, nous, on a la Jupiler ici à Liège, mais c'est plus considéré comme la bière locale. Enfin, c'est local peut-être, mais elle est brassée ici, mais avec quelle farine qui vient d'où ? Elle appartient à une des plus grosses multinationales, à Beinbef, hein, une multinationale belgo-brésilienne, qui rémunère des actionnaires. Donc, ça ne rentre plus du tout dans le cadre de cette économie en circuit court et cette économie qui nourrit et qui rémunère les entrepreneurs de l'économie locale. Par contre, les circuits courts, là, c'est quand on estime, nous, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais qu'il n'y a qu'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Quoi. Et donc, ça veut dire que finalement, vous pouvez avoir quelque chose qui vient de 150 km ou 200, enfin, quand je dis 200, c'est beaucoup pour la Belgique. Hein. Mais s'il n'y a qu'un intermédiaire, c'est pas forcément local, mais c'est du circuit court. L'idée, c'est que ce soit du circuit court et relativement local, ou du moins pour chaque produit, le plus local possible, parce que l'enjeu est aussi climatique, l'enjeu est aussi environnemental. Mais alors, les circuits courts, en fait, c'est une question de justice sociale pour les travailleurs, pour les producteurs. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec des structures d'économie sociale, donc on fonde des coopératives, on travaille avec des ASBL, mais on travaille aussi avec des petits indépendants, mais c'est alors des gens qui travaillent à l'échelle familiale, hein, qui n'ont pas pour ambition de devenir les rois du pétrole. Quoi. Et donc, l'idée, c'est de travailler à ce que les producteurs soient rémunérés de manière juste. Oui, parce que plus le circuit est long et plus il va y avoir une perte sur la valeur produite par le légume, par le fruit, et donc toute cette valeur, elle va se répartir. Oui. Et c'est pour ça qu'il en restera moins dans la poche de la personne qui est à l'origine. C'est de ça, ce mais alors il y a plein de phénomènes. Il y a plein d'intermédiaires qui sucrent, il y a des gens en bout de chaîne qui ont énormément de pouvoir. Quand vous avez une multinationale qui négocie avec plein de petits producteurs, il n'y a pas de marge de manœuvre de négociation pour le petit producteur. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la série, il y a 4 multinationales mondiales qui contrôlent 70% du marché, du champ jusque au supermarché en passant par les transports. Ouais, 70%, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, dans le marché de la céréale, sur le marché, il n'y a plus de marge de manœuvre pour faire exister les petits producteurs. Et donc, ça, c'est super important. Et nous, on a plusieurs projets où, au centre, c'est le producteur. Par exemple, on a lancé avec d'autres une coopérative qui s'appelle Les Petits Producteurs. Il y a 3 magasins maintenant. Hein. Cette coopérative a été lancée en 2016. Il y a 3 magasins à Liège qui s'appellent Les Petits Producteurs. Eh bien, en fait, ce magasin, il a été lancé pour lutter contre la précarité des petits producteurs. Donc, la coopérative va directement au contact des producteurs, s'engagent sur des plans de culture au moins un an à l'avance, il y a une vraie solidarité, lancent des alertes au moment où il y a une surproduction dans certains légumes, et une alerte client, une alerte mangeur, venez acheter en masse les tomates quand il y en a beaucoup, les courgettes, et puis faites-vous des conserves, faites-vous remplissez votre réfrigérateur ou votre congélateur. En fait, sur le site ou sur la page Facebook, mais sur le site des petits producteurs, là on voit l'onglet producteur, et à chaque fois, comme en magasin par affichage, il y a la photo du producteur, il y a son histoire, il y a comment il travaille son produit, il y a des vidéos, on a un lien direct. D'ailleurs, les employés des magasins, quelques jours par an, vont chez un producteur pour voir un peu comment il travaille ses produits, pour apprendre les coulisses et pour mieux connaître ce qu'il propose en magasin. Donc ça, c'est pour les gens comme nous. Est-ce que il y a ce travail qui est fait d'alimenter les hôpitaux, d'alimenter les écoles, de créer aussi ce réseau dans cette alimentation qu'on contrôle un peu moins, mais qui est aussi un enjeu clé dans une ville comme Liège? Tout à fait. Alors nous, on travaille, donc la ceinture alimentaire, j'ai une collègue, Florence, qui elle travaille avec les cuisines de collectivité. Donc on travaille avec les écoles, du primaire, du secondaire, on travaille avec des hôpitaux, avec des homes, et l'enjeu c'est d'essayer de faire passer ces cantines de collectivité en bio local de saison, circuit court. Alors c'est pas toujours facile, mais il y a de belles réussites. Hein. Par exemple, les villes, dans la ville de Liège, ici, depuis le 1er janvier 2024, toutes les écoles primaires du réseau de la ville de Liège sont passées en bio local grâce au travail avec la ville et notamment à l'intercommunale, donc à une grosse structure parapublique qui fait les repas. Et donc, on a travaillé avec eux avec des menus bio local, ça, travailler les approvisionnements, donc c'est possible. Par exemple, hein, il y avait un chef d'un hôpital de la région qui dit « Moi, je veux bien, j'aimerais travailler en circuit circuit court local. Mais j'ai 8000 repas à sortir par semaine et j'ai pas le temps de laver les carottes. Et c'était il y a quelques années. Et donc, avec la ceinture alimentaire, on s'est dit, là, il y a un chaînon manquant. C'est notre rôle d'essayer de le combler. Et donc, on a contribué avec d'autres à lancer une coopérative qui est une légumerie. Et cette légumerie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle collecte les légumes des maraîchers, elle les lave, elle les découpe et elle les empaquette. Et puis elle les envoie dans ces cuisines de collectivité. Et alors là, bah, les cuisiniers des cuisines de collectivité nous disent « Ok, maintenant on sait travailler en circuit court ». Et d'ailleurs, cette entreprise, bah, elle génère un peu d'emplois pour des personnes en décrochage socio-professionnel. Et on l'a trouvé à la faire héberger dans un groupe d'entreprises d'économie sociale ici à Liège qui s'appelle le Groupe Terre. Voilà, donc en fait, il y a, voilà, la boucle est bouclée, il y a des solutions, des belles solutions possibles. Tu as commencé à évoquer ça et je veux bien que ce soit la dernière chose que tu vas raconter dans le présent. On est encore en 2025 avant de partir en 2030 glorieuse. Tu disais que vous aviez aussi une action plus politique de plaidoyer. Tu peux m'en dire quelques mots s'il te plaît ? Mais oui, alors ça veut dire qu'on va avoir un dialogue constant avec les élus au niveau communal, au niveau de la région surtout, et pourquoi pas de temps en temps au fédéral, mais on va le faire avec d'autres acteurs. Et l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à l'importance des circuits courts, du local, du bio et de soutenir les petits maraîchers et aussi du petit. Parce que comme tu disais, en fait, ce qui doit décroître, c'est l'idée du grand. En fait, il faut multiplier les petits espaces de production qui sont beaucoup plus résilients ou robustes. Hein. Et donc, c'est là, pour l'instant, on est en train de travailler aussi la question de la sécurité. On parle beaucoup de sécurité, mais qu'est-ce qu'on mangera si un jour il n'y a plus d'approvisionnement ? L'insécurité alimentaire, on ne va pas manger des caméras de surveillance. Hein. Donc, il faudra qu'on puisse produire. C'est vrai. Comme je dis toujours, vous pouvez mettre plus de policiers, mais on ne va pas manger des brochettes de poulet. Le thème de la sécurité. Mais in fine, c'est le thème de la démocratie alimentaire. Et est-ce qu'on va... La question, elle est simple. Est-ce qu'on va laisser une poignée de multinationales continuer à décider ce qu'on va manger ? Ou est-ce que nous, les citoyens, on va imposer notre agenda politique pour dire on doit décider collectivement ce qu'on veut manger ? Tu poses la question, c'est magnifique, on y répondra en 2030 glorieuse. On va raconter comment nous, les citoyens, on a répondu justement à cette envie de faire en sorte qu'on ait notre mot à dire sur cette démocratie alimentaire et qu'on la concrétise. Parce qu'en fait, c'est ce que tu prouvais déjà à l'époque. Tu te souviens, on s'en parlait en 2025, qui était déjà possible. En fait, cette démocratie alimentaire, elle existe, elle est souvent parcellaire, elle est à d'expérimentation. On a besoin de la déployer et on va raconter à quoi ça ressemble en 2030 glorieuse. Avant ça... On marque toujours une petite respiration, puisque je considère que dans nos livres, on a des fenêtres vers les utopies qu'on a envie de se voir, on a envie de voir se développer en 2030 glorieuse. Toi, tu es venu avec une fenêtre à un goût particulier, puisque c'est une fenêtre très personnelle que tu vas nous lire. Tu as le livre jaune là, ouvert sur tes genoux. Il est de qui ce livre jaune ? Ah, il est de moi. Ouais. Il est sorti il y a 5 ans. Il s'appelle Le monde est moche, la vie est belle. Et c'est un roman didactique ou un manuel romanesque sur la transition écologique et solidaire. Une personne qui est prise dans le jeu du capitalisme, qui pense qu'il faut accumuler, gagner et vivre des plaisirs fugaces, futiles, et qui un jour perd la mémoire, se retrouve dans une maison un peu particulière. Ouais, lui arrive un accident et il se réveille dans une maison, une coloc, où tous les citoyens et citoyennes sont engagés dans des projets de transition et découvrent un nouveau monde carrément. Allez, ben, on t'écoute. Est-ce que tu as besoin d'aide pour que je tienne le livre ou c'est tout bon ? Je crois que ça va aller. Allez, vas-y, on t'écoute. L'idée que seules les multinationales puissent garantir notre existence, c'est de la propagande. Ce qui garantit notre subsistance, c'est la terre, le soleil, la pluie, ajouta Thomas en levant le doigt vers le ciel. C'est notre esprit et la coopération entre les gens aussi. Pour moi, on n'a pas besoin de multinationales et de leurs statistiques, de leur croissance et de leurs prétendus emplois. Elles sont devenues des États dans l'État. Elles sont devenues de vraies puissances politiques complètement antidémocratiques. Pire, elles jouent un rôle majeur dans la destruction systématique de la Terre, notre maison à tous. Moi, je rêve d'un monde d'artisans où, Partout, des gens pourraient produire de belles et de bonnes choses en fonction de leurs besoins, de leur culture, en respectant la nature et les gens, en se garantissant un job qui ait du sens, et puis en étant fiers de ce qu'ils créent. Ce n'est pas un retour en arrière. Il faut seulement sortir de l'impasse actuelle et aller de l'avant en se posant les bonnes questions. Marc se concentra sur ce qu'il venait d'entendre, rassembla ses idées et demanda « Donc, si j'ai bien compris, vous vous préparez à surmonter les crises écologiques et économiques en cultivant votre potager. Du coup, vous pensez que la solution, c'est que chacun cultive son potager ?»« Oui et non !» répondit Thomas. « D'abord, il ne faut pas oublier que l'agriculture en général est une activité exigeante et fatigante qui nécessite des compétences. Je ne voudrais pas te faire croire que les légumes poussent tout seuls. Agriculteurs et maraîchers ont un métier difficile et mal rémunéré. Et puis, comme l'explique Marion, l'important c'est surtout que chacun retisse des liens avec la nature, avec les saisons, avec la production, avec les producteurs. On sait bien que tout le monde ne peut pas cultiver son potager. D'abord parce que tout le monde n'a pas de jardin ou de terrain, mais aussi parce que tout le monde n'a pas l'envie ou la possibilité. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'il nous faut des projets collectifs, des coopératives de production, de transformation, de commercialisation, des groupes d'achat en commun, de la solidarité avec les agriculteurs et les maraîchers, des vergers communautaires, des jardins partagés, des potagers en commun par exemple. La transition vers un système alimentaire durable sera inévitablement collective. Thomas insista sur le mot « collective ». Imagine que ce soit la crise demain, la pénurie de pétrole, l'effondrement de la monnaie, continua-t-il. Nous, ici, nous pouvons nous nourrir. Mais faudra-t-il apprendre à tirer au fusil sur ceux qui, poussés par la faim et l'instinct de survie, viendront piller nos récoltes? Les solutions aux crises ne seront pas individuelles. Le futur sera collectif ou ce sera le chaos. Marc semblait ébranlé. Bah, « Ne fais pas cette tête, lui dit Marion, avec un air amusé. C'est sérieux, mais c'est pas triste. » Ces crises dont on parle tant sont justement l'occasion de reconstruire un monde plus convivial, plus joyeux. Et puis regarde, la nature est tellement généreuse, elle nous offre tant. Marion prit la main de Marc dans la sienne et continua. Marc, regarde le miracle des saisons, n'est-ce pas beau? On en veut toujours plus. La pub nous pousse à ce sentiment d'insatisfaction constant. Et pourtant tout est là, simplement devant nous. Quand on se rend compte qu'on peut produire soi-même sa nourriture, cuisiner, construire ses meubles avec de vieilles palettes, récupérer des affaires de seconde main, on se rend compte que l'on peut travailler moins et dépenser moins. Quand on se rend compte que le plus important est de prendre le temps de vivre et de partager des moments avec ceux qu'on aime, quand on se rend compte que l'on n'a pas besoin de loisirs coûteux, de vêtements à la dernière mode, de consommer constamment les dernières innovations technologiques et que l'on est satisfait de ce que l'on a, alors le bonheur est solide. Exactement, ajouta Thomas. Finalement, quand on ouvre les yeux, on comprend vite qu'il en faut peu pour être heureux et c'est même facile de trouver le bien-être en s'affranchissant de la société de consommation. Aujourd'hui, on appelle ça la sobriété heureuse ou la simplicité volontaire. Mais ce n'est pas nouveau. Des philosophes en parlaient déjà durant l'Antiquité. Nous avons des livres sur le sujet, il ne faut pas hésiter à les emprunter. Alexandra mit sa main gauche sur l'épaule de Marc qui était devenu le point d'attention du petit groupe. « On n'est pas bien là, assis, à la fraîche, au soleil ?» lui demanda-t-elle avec un ton enfantin. Marc regardait le pain aux noix du verger que Thomas avait fait la veille, une bonne grosse tranche coupée au couteau qu'il avait mise dans son assiette à côté d'une salade de tomates du jardin et d'un morceau de fromage de chèvre qu'un des amis de la Maison Bleue produisait à quelques kilomètres. Quand il prit une bouchée de pain, avec un peu de fromage et de salade, il dégusta lentement, mâchant consciencieusement, en pensant à tous ceux qui avaient préparé tout ça. Il avala et il eut comme une envie de pleurer. Il n'était pas triste, au contraire. merci. C'était vivant, c'était vibrant, c'était incarné cette lecture. On est en 2030 glorieuse. Je ne sais pas si pendant ton exercice de lecture tu as senti cette légère secousse, mais ça y est, on est en 2030 glorieuse. C'est un exercice de fiction qu'on va faire, de fiction en direct, pour se dire, en continuant sur la lancée de ton livre et de ta lecture, Jean-Yves, à quoi ça ressemble les 2030 glorieuses avec, comme tu le dis, ce bonheur solide, mais aussi cette autonomie alimentaire où collectivement on a réussi à faire de l'alimentation une occasion, un prétexte pour redéfinir la notion de valeur, de proximité, de goût, de saisonnalité et de la nécessité d'un effort juste, souhaitable, raisonné et raisonnable pour arrêter d'exploiter toutes les ressources de la terre pour du fugace, du futile et de l'inutile, en fait, pour le dire plus simplement. On parle au présent. Je sais que les 2030 glorieuses, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est demain, parce que 2030, c'est demain. Mais en fait, on peut très bien, si tu le décides, être en 2036, en 2038, tu peux nous le dire ou pas. On va par contre essayer de parler au présent et pas au conditionnel, d'accord ? J'essaie de te rattraper au vol si je vois que c'est pas évident pour toi. Et si tu parles au futur, alors tu parles des 2040, des 2050 et de tous les enjeux, notamment peut-être pour la ceinture alimentaire, parce que les 2030 glorieuses, c'est pas cuicu les petits oiseaux, c'est pas on a tout réussi, tout est gagné. Non, mais c'est l'humanité qui se lève et qui se dit ça y est, je décide de rentrer dans mon âge adulte, de faire face aux problèmes et d'y voir des opportunités incroyables. Ok, moi je t'écoutais tout à l'heure pendant ta lecture et je me demandais toi ce que tu voyais quand tu regardais par la fenêtre de tes 2030 glorieuses à toi. Est-ce que tu peux nous les décrire, ces 2030 glorieuses? Qu'est-ce que tu vois très concrètement autour de toi en 2030 glorieuses? Ici à Liège, où tu es, je ne sais pas, tu es peut-être chez toi, tu es peut-être dans ce parc où on était à l'époque de l'interview, c'est toi qui décides. Évidemment, les dernières années n'ont pas été faciles et il y a encore plein de problèmes aujourd'hui. Et évidemment, les gens doivent s'habituer au fait que la société de consommation, ça ne fonctionne plus comme avant, que l'énergie, elle n'est plus disponible de la même manière. Il y a des gens qui le vivent mal, mais pas tout le monde. Et les gens, aujourd'hui, ils se rendent compte en fait que le monde dans lequel on vivait avant, il était pas seulement épuisant pour la planète, mais il était aussi épuisant pour les gens. Ça faisait de la dépression, ça faisait du burn-out. Avant, on épuisait la planète et on épuisait les gens en même temps. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a moins d'abondance, peut-être que des fois, on n'a pas exactement ce qu'on veut manger quand on va faire ses courses, mais les gens sont plus cool, les gens sont plus relax, les gens sont moins épuisés, les gens courent moins dans tous les sens. Alors ici à Liège, moi, je trouve que ce qui est plus impressionnant, c'est qu'il y a une ceinture de petits maraîchers qui est installé. Alors ça a commencé en 2020, 2022, 2025. C'est ce qu'on appelait à l'époque le projet Créa Farm. Donc ça, c'est des terres qui appartiennent à la ville, qui étaient mises à disposition pour 20 ans pour les petits producteurs. Et donc le système, c'était la ville mettait à disposition des terrains. En 2025, il y en avait seulement 3 de ces terrains comme ça. Des maraîchers donc ne devaient pas payer pour avoir accès à la terre. Et puis on pouvait devenir membre du terrain de maraîchage. On payait 400 euros pour l'année et on pouvait être en autocueillette. Donc toutes les semaines, on allait dans le champ cueillir les légumes. Comme ça, on épargnait un travail pénible aux maraîchers, aux agriculteurs, aux agricultrices. Aujourd'hui, il y a environ 550 terrains de maraîchage comme ça. Il y a une loi qui a été passée et qui dit que aucun citoyen liégeois ne peut vivre plus loin que 3 km d'un champ de maraîchage, qu'un champ où poussent des légumes et où il y a un verger. Et d'ailleurs, maintenant, quand on construit des nouvelles habitations que les entrepreneurs construisent, eh bien, il y a une loi qui dit que pour chaque nouveau bâtiment construit, il y a une terre qui doit être sécurisée de manière éternelle. Et même si elle n'est pas mise en culture maintenant, qu'elle pourra très rapidement être mise en culture si nécessité. Donc en fait, c'est Liège aujourd'hui a un maillage vert sécurisé qui est assez incroyable. Alors aussi, ce qu'il y a, c'est que la démocratie a beaucoup changé. À côté du conseil communal élu, il y a un conseil communal tiré au sort et il y a différents groupes de travail, pareil avec des citoyens élus au sort pour 2 ans. Et notamment, il y a le conseil de politique alimentaire qui existe depuis des années, mais maintenant, il peut proposer des lois et des projets qui sont votés en conseil communal qui sont votés au niveau de l'arrondissement et même il peut proposer des projets de loi pour la région wallonne. Et donc ça, c'est une véritable avancée parce qu'avant, le conseil politique alimentaire qui réunissait les citoyens, il était actif, il expérimentait des projets et il pouvait donner des idées aux hommes politiques, mais c'était beaucoup trop peu contraignant quelque part. Aujourd'hui, les hommes politiques et les femmes politiques doivent prendre en compte les demandes et si elles sont rejetées par le Parlement, il faut expliquer pourquoi elles sont rejetées par le Parlement. Donc à la fois tout ce que tu nous racontes, c'est dans la lignée de ce qui a été mis en place, la ceinture alimentaire, les années 2010, puis ces expérimentations dont tu parlais, 2025, et à la fois c'est quand même une vraie rupture, parce que passer comme ça en même pas 10 ans de 3 expérimentations à 550, ça veut dire qu'il y a eu un vrai mouvement qui s'est mis en place. Nous, en France en particulier, quand on parle de changement, quand on parle de rupture, nous vient tout de suite l'idée de la révolution. On coupe les têtes, on fait tomber les puissants et puis on remet en place un nouveau système de domination. Est-ce que tu peux comme ça, en réfléchissant aux années passées, me donner 1-2 points dans l'histoire qui ont été des éléments de bascule, peut-être même idéalement des points positifs, des points vertueux de bascule, peut-être même des points de joie qui ont vraiment permis de se mettre à la hauteur de ces enjeux, mais en confiance plus que par nécessité. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on a remarqué que c'est souvent les points de bascule ou les grands événements, ils ont de l'importance dans le récit ou dans le discours, mais dans le concret et dans la vie, ils restent anecdotiques. Par contre, il y a plein de moments anecdotiques qui constituent de vrais coups d'accélérateur. On a remarqué que pendant les 20 ans où on faisait ce festival Nourrir Liège, pendant chaque festival, il y avait des rencontres et des mises en relation qui ont donné naissance directement à des vrais projets ambitieux. Par exemple, aujourd'hui, toutes les cantines scolaires à Liège sont en bio local, toutes les cuisines de collectivité, dans tous les hôpitaux, toutes les homes. Et en fait, tout ça c'est parti de quelques rencontres au moment où des responsables politiques ont rencontré des responsables d'institutions scolaires ou des hôpitaux, ont rencontré des maraîchers et ont rencontré des chercheurs. Et à ce moment-là, les gens ont tous mieux compris le point de vue des autres et surtout ils ont compris que c'était plus facilement réalisable que ce qu'ils ne pensaient. On n'a pas dit que c'était facile, mais c'était plus facilement réalisable que ce qu'ils ne pensaient. Et qu'in fine, il ne fallait pas toujours penser en termes de coûts, mais qu'il fallait penser en termes d'investissement. Et en fait, depuis 10 ans, on a investi. Et aujourd'hui, on voit toute la richesse que ça a produit, cet investissement depuis 10 ans. Et il y a même des coûts qu'on n'a plus par rapport à avant. Notamment, il y a une étude qui a été publiée là pour dire qu'aujourd'hui, en 2035, eh bien, la sécurité sociale belge coûte moins cher parce qu'il y a moins de problèmes de santé, il y a moins d'obésité, il y a moins de diabète. Parce que exactement, une alimentation de qualité, c'est aussi moins d'accidents cardiovasculaires, c'est aussi moins de surpoids, c'est, tu parlais d'autocueillette, tout ça, c'est le contact avec la nature, c'est d'entendre le chant des oiseaux et de s'apaiser, c'est de faire du sport. Tu te souviens qu'à l'époque, les gens allaient dans des salles de sport pour bouger des poids fictifs, alors qu'aujourd'hui, les cagettes, et puis le bois qu'on coupe, et puis la terre qu'on remue, c'est ça la meilleure salle de sport. Ouais. En fait. Et alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que maintenant que toutes les cuisines de collectivité, et on parle de dizaines de milliers de repas chaque jour, que toutes ces cuisines de collectivité sont passées en bio local de saison, ça fait des débouchés assurés pour un volume de production énorme. Donc en fait aujourd'hui, non seulement les maraîchers ont des débouchés assurés pour toute leur production, mais ils sont bien rémunérés. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des maraîchers engagés par la ville. Donc on a ça, c'est une idée dans les années 20, c'est une idée qui venait de France et où ça existait dans quelques communes, en Belgique pas, mais maintenant pendant aujourd'hui en 2035, on a la ville qui engage des maraîchers comme fonctionnaires. Donc ils ont un temps de travail fixe, ils ont des congés payés et ils ont une belle vie et un vrai salaire. Avant, on employait seulement des gens pour changer les parterres de fleurs au milieu des ronds-points et on a compris que si on savait le faire avec les parterres de fleurs au milieu des ronds-points, on savait le faire pour nourrir nos enfants. Ça, c'est fantastique. Et puis alors, le truc incroyable, c'est que évidemment, il n'y a pas que Liège, il y a aussi Bruxelles et d'autres villes, et puis les copains français aussi qui nous inspirent. Et donc là, il y a la loi qui vient d'être votée il y a quelques jours. On instaure un 8e pilier à la sécurité sociale belge. C'est une sécurité sociale de l'alimentation. Donc maintenant, chaque mois, chaque Belge reçoit 200 euros de budget alimentaire. Pour bien manger. Et c'est pas n'importe quelle alimentation, puisque c'est conventionné. On peut pas aller s'acheter n'importe quoi avec ces bons alimentaires. On va chercher une alimentation qui a été définie en fonction de certains critères, hein, bio-local de saison, et qui ont été définis collectivement, démocratiquement. Donc ça, c'est super. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le débat est au Parlement européen, carrément. Et on a beaucoup d'espoir, parce qu'il y a plein de pays qui sont pour réorienter toutes les aides de la politique agricole commune vers une nouvelle sécurité, enfin une sécurité sociale de l'alimentation européenne, aujourd'hui, seulement en 2035. C'est incroyable quand même, non ? Donc tu dis, toi l'historien en plus, que finalement les ruptures, c'est pas un grand soir, c'est pas un grand retournement, mais c'est à la marche, c'est dans les coulisses, c'est dans les rencontres, c'est dans la compréhension, c'est dans l'idée aussi de complexifier, de nuancer, de faire un pas vers l'autre en fait, c'est ça. Moi je crois, et puis je crois aussi que il faut faire le deuil du monde dans lequel on voudrait vivre. Les gens ne nous ressemblent pas tous. Les gens sont différents, il y a différents goûts, il y a différentes opinions, il y a différents intérêts. Et donc, en fait, c'est pas en croyant qu'on peut zigouiller la moitié des gens qu'on n'aime pas et repartir avec ceux qui sont, par exemple, plus solidaires ou plus altruistes, que ça va fonctionner. Enfin, non. D'ailleurs, les parents sont souvent déçus de voir que leurs enfants adultes deviennent... ressemblent jamais. Pourquoi tu votes extrême droite, gamin ? Ce qu'il faut, c'est expliquer les points de vue, faire se rencontrer les gens, travailler ensemble et expliquer aussi pourquoi finalement vivre sur une planète salubre, c'est dans l'intérêt de tous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça en bisounours. C'est-à-dire qu'à côté de nous, il y a toutes les actions de désobéissance civile. Il y a de la résistance. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment. Et les Liégeois savent le faire. Hein. Dès qu'il y a un espace vert qui est qui est attaqué, on va dire, par des promoteurs immobiliers, ou dès que des hommes politiques se disent oui, mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas revenir en arrière ? Les gens se mobilisent. Un parc, un centre commercial. Voilà. Et donc il faut de la manifestation. Il faut des grèves de temps en temps. Il faut de la désobéissance civile. Il faut des gens qui montrent qu'il y a un mouvement social fort qui est prêt à faire opposition pour faire respecter la transition écologique et solidaire quand on sent que les lignes rouges vont être passées. Et y a aussi une chose très importante, c'est qu'on a réussi à lutter contre l'extrême droite. Et vous saviez, il y a 10 ans, en 2025, ça faisait peur, parce que en 2025, on aurait dû travailler à 100% pour la transition écologique et solidaire. Mais en 2025, on a dû perdre une partie de notre temps à lutter contre l'extrême droite. Ici, à Liège, ça fait 10 ans qu'aucune réunion d'aucun groupuscule d'extrême droite a pu se tenir, parce qu'à chaque fois, il y avait la mobilisation des antifascistes qui les empêchait de se réunir. Alors, on va peut-être trouver ça un petit peu radical, mais ça a porté ses fruits. Jamais ici, à Liège, l'extrême droite a réussi à prendre pied. Par rapport à ça, nous, on avait plein de choses dont on aurait dû et dont on a réussi d'ailleurs à s'inspirer, nous les Français, qui est souvent autant au niveau médiatique qu'au niveau académique, on servait presque, il y avait trop de personnes qui servaient de marchepied à l'extrême droite, et la Belgique savait plus résister, plus dire non, plus faire apparaître une ligne rouge infranchissable, et ça c'est vrai que c'est une fierté que vous avez 10 ans plus tard. Et une chose, c'est qu'on constate que la transition écologique et solidaire, elle va plus, aujourd'hui, en 2035, on constate qu'elle va plus loin, partout là où il n'y a pas d'extrême droite, évidemment. Donc c'est un enjeu politique, et on peut constater aujourd'hui que ceux qui disaient que oui, mais il ne faut pas forcément lier l'écologie avec le social, il ne faut pas... ils se trompaient. Tout est lié, évidemment. Par exemple... Dis-moi Jean-Yves, oui, s'il te plaît, parce qu'on est en train de partir sur ces sujets qui sont hyper intéressants, hyper complexes, mais qui pourraient nous occuper pendant des heures et des heures. Moi, j'ai envie de comprendre comment on mesure. Tu parlais du nombre de champs qui étaient mis à disposition des producteurs, des fermiers pour la ceinture alimentaire. Quels sont les indicateurs qui montrent montre que vous continuez à aller dans le bon sens. C'est donc ces hectares, c'est les assiettes qui se remplissent, c'est le volume de vente des produits bio. Quels indicateurs vous poursuivez pour mesurer le succès de votre marché en Europe ? Alors, il y a plein d'indicateurs. Par exemple, ils sont tous importants. Mais par exemple, pour nous, le plus important, c'est le salaire du maraîcher et de la maraîchère. Aujourd'hui, ils ont un salaire qui est au-dessus du seuil de pauvreté. Bah, c'est pas du luxe, mais ça c'est nouveau. Donc aujourd'hui, les maraîchers gagnent beaucoup mieux leur vie qu'avant. Ça, c'est un premier indicateur. Alors évidemment, on peut prendre le nombre d'hectares cultivés, le basculement des terres en bio et aussi en culture destinée au local. Si on prend le nombre d'assiettes ou de repas en cuisine de collectivité, ça c'est aussi très important. Nous, ce qu'on aime bien de regarder, c'est les filières. Donc ça veut dire que si de la semence, de la graine, la céréale en passant par la farine puis en arrivant au pain, la chaîne est complète, c'est gagné. Pareil dans la viande, pareil dans le jus, dans les jus de fruits, dans les salades, voilà. Donc ça c'est super important. On a une monnaie locale qui s'appelle le Valeureux, en fait qui fonctionnait très mal après le Covid et qui s'est redéployée de manière incroyable, notamment grâce à tout ce mouvement. Et aujourd'hui les gens utilisent l'euro et le Valeureux de la même manière. Et on voit que ces flux économiques qui circulent entre les producteurs, les commerçants, eh bien en fait, ça fortifie, ça stabilise cette économie et ces échanges. C'est de la richesse qui ne s'enfuit plus vers les grands centres financiers. Et donc, aujourd'hui en 2035, le Valeureux, c'est seulement 5% des échanges économiques de la province de Liège. Mais c'est en plein boom. Et 5%, c'est énorme. Ça a l'air petit de dire 5%, mais c'est énorme. Donc ça veut dire que ça, c'est un outil qui fait levier d'une manière extraordinaire, ça c'est évident. En France, on disait que la monnaie locale complémentaire, elle circulait 6 fois entre les gens avant d'être à nouveau thésaurisée, alors que l'euro, c'était même pas 2 fois. Et donc ça montre que la production de richesses, l'échange de valeurs se refait sur le territoire, s'ancre sur le territoire, c'est hyper important. Et c'est de l'argent qu'on voit circuler dans ses mains pour les gens qu'on connaît, ça c'est hyper important. On pourrait en parler encore une fois des heures et des heures. J'ai quand même envie de te poser la question qui fâche, c'est toi, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Est-ce que tu es appelé ça et là dans d'autres villes de Belgique, d'Europe? Tu parlais même de cette grande sécurité alimentaire qui allait être lancée pour déployer, pour montrer à quel point Liège était exemplaire à l'époque. Au contraire, tu es très ancré sur le territoire, tu accompagnes ces citoyens dans l'Assemblée citoyenne. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Je fais beaucoup moins qu'avant en fait. Non seulement parce que je crois que voilà, j'ai beaucoup donné de mon temps et de mon énergie et que ça a été un grand plaisir, un grand bonheur, mais qu'à un moment donné on a tous ses limites, on vieillit. Aujourd'hui j'ai 52 ans quand même, donc tu les fais pas hein. Mais tu les sens, voilà, on les sent. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est il faut faire attention, et ça on se le dit tous à la ceinture alimentaire liégeoise, de pas prendre trop de place. Il faut que les visages soient renouvelés, il faut que chacun puisse s'exprimer. On fait attention à la culture de l'expert. Hein. Nous, on a envie de dire qu'on est tous connaisseurs et experts de notre vécu, de notre quotidien, et c'est important de penser au renouvellement des gens qui sont... Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, en fait, moi, j'ai réalisé... Là, tu me dis ce que tu fais pas, déjà. C'est voilà, important, effectivement, c'est important de constater qu'on doit moins faire. Oui, alors, c'est super, parce que moi, j'avais toujours voulu faire de l'agriculture, mais j'avoue, je voulais pas le faire à temps plein et je voulais pas me contenter de 900 euros par mois net. Et donc, en fait, là... 2 jours par semaine, je suis maraîcher sur un terrain avec d'autres maraîchers, mais 2 jours semaine seulement en fait. Je suis intermittent du maraîchage. C'est un plaisir de fou. Et alors, on fait quelque chose qui est incroyable et qu'on a lancé aussi il y a 10 ans, mais qui a pris de l'essor fantastique, c'est que on cultive des variétés de légumes et de fruits. Exotique ou ethnique. Évidemment, ceux qui peuvent pousser en Belgique à Liège, hein, on ne fait toujours pas de bananes. Hein, ça... Mais alors, c'est passionnant. C'est passionnant et ça nous amène à travailler beaucoup avec les restaurateurs et les personnes des communautés d'origine étrangère. Alors, ça apporte une variété dans la gastronomie, dans la cuisine, dans le boulot qui est assez folle. Et le reste du temps, alors, j'écris et je fais de la musique. Et je travaille beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, c'est devenu un peu la norme de travailler à temps partiel et d'avoir plus de temps. Donc ton tour d'Europe des semences et des variétés de poires, de pommes pour redécouvrir les centaines de variations qui existent rien qu'en Belgique hein, d'ailleurs et remis à plus tard. Hein. Oui, oui, oui. Mais en fait, on aime bien quand même de partir. Mon épouse est enseignante, alors on part longtemps l'été. On prend 2 mois à chaque fois. Tu te souviens, avant, on allait dans les musées pour aller à la, non, voilà, maintenant, à la on va recherche dans les vergers. De la quête. Maintenant, on va et dans les vergers. Et donc, découvrir de on nouvelles part variétés. En vélo, ça dépend, en vélo ou en transport en commun. Et puis, on s'arrête dans des fermes, on s'arrête là où il y a des tables d'hôtes. Donc, on peut jouer de l'utile à l'agréable. On va visiter les vergers et les variétés, mais on mange bien, on rencontre des gens et on n'a pas besoin d'aller très loin. Il se passe déjà plein de belles choses aux Pays-Bas ou en France. Et puis, des fois, on descend quand même jusqu'en Espagne ou en Italie. C'est toujours beau l'Italie. Et donc, on le fait, mais on le fait seulement en juillet-août. On verra plus tard si on prend plus de temps dans l'année pour faire ça. J'adore cette conversation, j'espère que vous êtes avec nous encore une fois, une vue magnifique, vous entendez peut-être les oiseaux, vous entendez peut-être les cloches, vous entendez peut-être les sirènes, vous entendez peut-être les jeunes qui se sont mis sur le banc à côté et qui écoutent leur musique, et je trouve ça vivant et ça a l'image des 2030 Glorieuses, donc ça me plaît, j'espère que ça vous plaît aussi. On revient un peu en 2025 et c'est pour ça que je parle du décor pour nous refaire atterrir dans le présent. Si jamais les gens qui nous écoutent se disent mais moi la sécurité alimentaire je la veux tout de suite pour moi sans attendre et tout ce dont on a parlé je le vois comme une évidence, j'ai pas envie d'attendre les 2030 Glorieuses, qu'est-ce que tu leur recommandes comme pas pour continuer, c'est quoi le prochain pas? Eh ben en fait on a besoin de ça, tombe bien, on a besoin de gens et alors on peut s'investir un peu, beaucoup ou à la folie. Il y en a pour tous les goûts. Tout, oui, et je sais, on est en contact avec les camarades français, notamment sur la sécurité sociale et l'alimentation. Donc que ce soit à Liège ou que ce soit à Bordeaux, à Montpellier et dans des tas de coins de France, eh bien en fait, on attend que ça, de toujours renforcer les groupes citoyens. Qui alors, qu'est-ce qu'il y a à faire hein, concrètement? Il y a des gens qui sont formés comme ambassadeurs pour aller parler de l'idée, que ce soit dans les écoles, dans les associations de commerçants, dans des grands événements. On a des gens qui doivent nous aider à communiquer parce qu'il faut produire des contenus pour les réseaux sociaux, pour les sites internet. Il y a des gens qui n'aiment pas de se mettre en lumière ou de prendre la parole, mais qui sont super pour organiser des événements, mettre les gens en contact. Il y a aussi toute la logistique autour des projets pilotes qu'on veut lancer. Il faut des gens qui aiment bien un peu de l'administratif. Il y a des gens qui aiment les montages financiers, l'animation de groupe. Et puis voilà, même si vous êtes artiste, eh ben, on a besoin d'artistes. Donc c'est rejoindre le mouvement des villes en transition. Rejoindre le monde des villes et villes en transition, le mouvement, rejoindre les ceintures alimentaires, rejoindre les mouvements en France, vous avez plein de mouvements de toutes sortes, les ingénieurs sans frontières, le réseau Salaria, le mouvement des Gazap, AMAP, des AMAP, il y a Urgency aussi qui fait plein de belles choses, il y a partout. Et donc, vraiment, aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est être spectateur, ça fout la déprime. Être spectateur, ça fout la déprime. Quand on reste derrière son écran, on est frustré parce qu'on a l'impression que le monde va mal, mais surtout qu'on peut rien y faire. Il faut passer à l'action. Et quand on passe à l'action, on en a fini d'être spectateur. Et ce qu'on découvre, c'est... qu'à côté de cette société de l'épuisement, il y a la société de l'enthousiasme. L'enthousiasme, pour moi, c'est l'excitation joyeuse. Et c'est contagieux, et ça fait du bien, ça maintient en bonne santé, ça donne envie. Et avec cette excitation joyeuse de vivre des expériences hors du commun avec des gens incroyables et inspirants, et ben chaque matin, on se lève et on se dit « chouette, une nouvelle journée pour expérimenter de super beaux projets ». C'est ça le plus important. Merci Jean-Yves. Merci, merci à toi. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 Glorieuses. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuses.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuses qui existent depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe,